Évangile selon saint Matthieu. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Phares engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Jessé. Jessé engendra David, qui fut roi. Le roi David engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abias. Abias engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassès. Manassès engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Et après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliasim. Eliasim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. En tout donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Et depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations. Et depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Or, la naissance du Christ eut lieu ainsi. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph avant qu'ils habitassent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu de l'Esprit Saint. Mais Joseph, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Et comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Or tout cela arriva pour que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes. « Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit son épouse avec lui. Et il ne l'avait point connue quand elle enfanta son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, étant donc né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Or le roi Hérode, l'apprenant, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, « À Bethléem de Juda, car il a été ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui régira Israël, mon peuple. » Alors, Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit, « Allez, informez-vous avec soin de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce que, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Or, en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. Lorsqu'ils furent partis, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la nuit et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, en ces termes, « J'ai rappelé mon fils d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tous ses environs, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie en ces termes. « Une voix a été entendu à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et vint dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller, et averti en songe, il se retira dans la province de Galilée. Et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. En ces jours-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui qui a été désigné par le prophète Isaïe, lorsqu'il dit « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Or Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Mais voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui va venir? Faites donc de dignes fruits de pénitence, et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu peut susciter de ses pierres des enfants à Abraham. Car déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'écartait en disant, « C'est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi. » Mais Jésus, répondant, lui dit, « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Or Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôt hors de l'eau. Et voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe et qui vint sur lui. Et voici qu'une voix du ciel disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Alors Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant, lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne tout à fait élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant vous m'adorez. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent, et ils le servaient. Quand Jésus eut appris que Jean avait été mis en prison, il se retira en Galilée. Et ayant quitté la ville de Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, la voie de la mer, le pays qui est au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » Or Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leur filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et eux, aussitôt laissant leur filet, le suivirent. Et de là, s'avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, réparant leur filet. Et il les appela. Et eux, aussitôt, laissant leur filet, leur père, le suivirent. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute langueur et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui présenta tous ceux qui étaient malades, atteints de langueur et de diverses souffrances, et les possédés du démon, et les lunatiques, et les paralytiques. Et il les guérit. Et des foules nombreuses le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Or Jésus, voyant les foules, monta sur une montagne. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, et qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le candélabre afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que passent le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait ne disparaîtra pas de la loi, que tout ne soit accompli. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera les hommes à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui fera et enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, et celui qui tuera méritera d'être condamné en jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère méritera d'être condamné en jugement, et celui qui dira à son frère « Raca » méritera d'être condamné par le conseil, et celui qui lui dira « Fou » méritera d'être condamné au feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite tu reviendras présenter ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au ministre de la justice, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière obole. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la Géhenne. » Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps allait dans la Géhenne. Il a été dit encore que quiconque renverra sa femme lui donne un acte de répudiation. Mais moi je vous dis que quiconque renverra sa femme, si ce n'est en cas d'infidélité, la fait devenir adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce qu'elle est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Tu ne jureras pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Mais que votre langage soit « oui, oui, non, non », car ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne point résister aux méchants. Mais si quelqu'un t'a frappé sur ta joue droite, présente-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut t'appeler en jugement pour te prendre ta tunique, abandonne-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1000 pas, va avec lui pendant 2 autres 1000. Donne à celui qui te demande, et si quelqu'un veut emprunter de toi, ne te détourne pas. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains ne le font-ils pas aussi? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens ne le font-ils pas aussi? Soyez donc parfaits, vous, comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de faire vos œuvres de justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des places publiques pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et, après avoir fermé la porte, prie ton Père dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme les païens qui s'imaginent que c'est par la multitude de leurs paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est donc ainsi que vous prierez. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire, et remettez-nous nos dettes, comme nous les remettons nous-mêmes à ceux qui nous doivent. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils exténuent leur visage pour faire voir aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas faire voir aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres mêmes? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, en se tourmentant, peut ajouter une coudée à sa taille? Et au sujet du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le four, combien plus vous-même, homme de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ?» ou « De quoi nous couvrirons-nous » car ce sont les païens qui se préoccupent de toutes ces choses. Mais votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car vous serez jugés selon que vous aurez jugé, et on se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu le fétu dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, « Laisse-moi ôter le fétu de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et ensuite tu verras comment ôter le fétu de l'œil de ton frère. Ne donnez pas la chose sainte aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel est parmi vous l'homme qui, si son fils lui demande du pain, lui présentera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui présentera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieuse la voie qui conduit à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Qu'étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et qu'il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom, et chassé les démons en votre nom, et fait de nombreux miracles en votre nom ?» Et alors je leur dirai hautement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi donc, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle ne s'est point écroulée, car elle était fondée sur la pierre. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison, et elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. Or il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, les foules étaient dans l'admiration de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes et les pharisiens. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui et l'adora en disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre le don que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant, et disant « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, et il souffre extrêmement. » Jésus lui dit « J'irai, et je le guérirai. » Mais le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un « Va » et il va, et à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » En l'entendant, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, Jésus dit au centurion, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Jésus, étant venu dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère qui était couchée et qui avait la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Et elle se leva, et elle les servait. Quand le soir fut venu, on lui présenta de nombreux possédés, et il chassait les esprits par sa parole, et il guérit tous ceux qui étaient malades, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Il a pris lui-même nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Or Jésus, voyant des foules nombreuses autour de lui, ordonna de passer à l'autre bord du lac. Alors un scribe s'approchant lui dit « Maître, je vous suivrai partout où vous irez. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Puis il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'il s'éleva sur la mer, une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Ses disciples s'approchèrent de lui et l'éveillèrent en disant « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Et Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous effrayés, hommes de peu de foi ?» Alors se levant, il commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Ces hommes furent dans l'admiration, et ils disaient, « Quel est celui-ci à qui les vents et la mer obéissent ?» Lorsqu'ils furent arrivés à l'autre bord, au pays des Géracéniens, deux possédés vinrent au-devant de lui, sortant des sépulcres, si furieux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier en disant « Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus, Fils de Dieu ? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Or il y avait non loin d'eux un grand troupeau de porcs qui paissait. Et les démons le priaient en disant « Si vous nous chassez d'ici, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. » Il leur dit « Allez !» Et étant sortis, ils entrèrent dans les pourceaux. Et voici que tout le troupeau alla se précipiter avec impétuosité dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Alors, les gardiens s'enfuirent, et venant dans la ville, ils racontèrent tout cela, et ce qui était arrivé aux possédés. Et voici que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le priaient de s'éloigner de leur territoire. Thank you. Montant alors dans une barque, il repassa le lac et revint dans sa ville. Et voici qu'on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, ayant vu leurs pensées, dit, « Pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé, de dire « Tes péchés te sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Les foules, voyant cela, furent remplies de crainte et glorifièrent Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus, sortant de là, vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Et il lui dit, « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Or il arriva que Jésus étant à table dans la maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Et voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais Jésus, les ayant entendus, dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades qui ont besoin de médecins. Allez, et apprenez ce que signifie cette parole. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean s'approchèrent de lui et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que vos disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car elle emporterait une partie du vêtement, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous deux se conservent. » Tandis qu'il leur disait cela, voici qu'un chef de synagogue s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, ma fille est morte il y a un instant, mais venez, imposez votre main sur elle et elle vivra. » Jésus, se levant, le suivait avec ses disciples. Et voici qu'une femme, qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus, se retournant et la voyant, dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de synagogue, et qu'il eut vu les joueurs de flûte et une foule bruyante, il dit, « Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Lorsque la foule eut été renvoyée, il entra et prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Comme Jésus sortait de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant, « Ayez pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut venu dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse vous faire cela ?» Ils lui dirent, « Oui, Seigneur !» Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus les menaça en disant, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais eux, s'en allant, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Lorsqu'ils furent sortis, voici qu'on lui présenta un homme muet, possédé du démon. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration, disant, « Jamais rien de semblable n'a été vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Or Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute langueur et toute infirmité. Et voyant les foules, il en eut compassion, car elles étaient accablées et gisaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna puissance sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute langueur et toute infirmité. Or voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, qui est appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote qui le trahit. Jésus envoya ses 12 en leur donnant ses instructions. N'allez pas vers les gentils, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en y allant, prêchez et dites « Le royaume des cieux est proche ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne possédez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. En quelque ville ou en quelque village que vous entriez, demandez qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la en disant « Paix à cette maison. Et si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle. Et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, il y aura moins de rigueur pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes, mais mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues, et vous serez traduits à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux nations. Mais lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce que vous devrez dire vous sera donné à l'heure même. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Or le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lors donc ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébub, combien plus ceux de sa maison. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et le corps dans la géhenne. Deux passereaux ne se vendent-ils pas un as? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à l'un de ces tout petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Il arriva que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes. Or Jean, ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples lui dire « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit et dit « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Et bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. » Lorsqu'il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec mollesse? Voici, ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il a été écrit, « Voici que devant ta face j'envoie mon ange qui préparera la voie devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, il est lui-même cet Élie qui doit venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerais-je cette génération? Elle est semblable à des enfants assis sur la place publique et qui, criant à leurs compagnons, leur disent « Nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé. Nous avons poussé des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il est possédé du démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « Voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs, mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. » Alors il se mit à adresser des reproches aux villes dans lesquelles avaient été opérés beaucoup de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas fait pénitence. « Malheur à toi, Chorosaïne, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence dans le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu jusqu'au ciel. Tu descendras jusqu'à l'enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient peut-être encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins vigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je vous rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et de ce que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, je vous rends grâce, parce qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat, et ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici que vos disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire au jour de sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les prêtres, au jour de sabbat, violent le sabbat dans le temple et ne sont pas coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie cette parole, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez jamais condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Étant parti de là, il vint dans leur synagogue, et voici qu'il se trouva là un homme qui avait une main desséchée. Et il l'interrogeait en disant, « Est-il permis de guérir au jour de sabbat, afin de pouvoir l'accuser ?» Mais il leur dit, « Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la prendra pas pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens étant sortis, tinrent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Mais Jésus, le sachant, s'éloigna de là, et beaucoup le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur ordonna de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a mis toutes ses complaisances. Je ferai reposer sur lui mon esprit, et il annoncera la justice aux nations. » Il ne disputera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les places publiques. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait amené le triomphe de la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui présenta un possédé, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte qu'il parlait et voyait. Et toutes les foules étaient dans l'admiration et disaient, « N'est-ce point là le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébub, prince des démons. » Or Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne pourra subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si c'est par Belzébub que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu au milieu de vous. » Ou « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses meubles si auparavant il n'a lié cet homme fort, et ensuite il pillera sa maison ?»« Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse point avec moi disperse. » C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou bien, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est par le fruit qu'on connaît l'arbre. Race de vipère. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, vous qui êtes méchants? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Or, je vous dis que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent, « Maître, nous voulons voir un signe de vous. » Il leur répondit, « Cette génération méchante et adultère demande un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement contre cette génération et la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et y revenant, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et entrant dans la maison, ils y habitent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. C'est ce qui arrivera à cette génération très mauvaise. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères, se tenant dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici que votre mère et vos frères sont dehors et vous cherchent. » Mais il répondit à celui qui lui avait dit cela, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit au bord de la mer, et des foules nombreuses s'assemblèrent autour de lui, de sorte qu'il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage, et il leur dit beaucoup de choses en paraboles, et ces termes, « Voici que le semeur est sorti pour semer. » Et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce que la terre n'avait pas de profondeur. Mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et comme elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba dans des épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et elle donna du fruit, quelques grains, rendant 100 pour 1. d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et les disciples s'approchant lui dirent, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» Il leur répondit, « C'est parce qu'à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. Car on ne donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en regardant ils ne voient point, et qu'en écoutant ils n'entendent et ne comprennent pas. Et en eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont péniblement entendu de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Si quelqu'un entend la parole du royaume et ne s'en pénètre pas, l'esprit malin vient et enlève ce qui avait été semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient que pour un temps. Et lorsque viennent la tribulation et la persécution à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quant à celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et qui porte du fruit et donne 100 ou 60 ou 30 pour 1. Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit son fruit, alors l'ivraie parut aussi. » Et les serviteurs du père de famille s'approchant lui dirent, « Seigneur, n'avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est l'homme ennemi qui a fait cela. » Ses serviteurs lui dirent, « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Et il dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que tous les autres légumes et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sur ses branches. » Il leur dit une autre parabole. « Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors, Jésus, ayant renvoyé les foules, vint dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et leur répondant, il leur dit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ est le monde. Le bon grain, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants d'iniquité. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Lorsqu'il est plein, les pêcheurs le tirent, et s'étant assis sur le bord du rivage, ils choisissent les bons et les mettent dans des vases et rejettent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui dirent oui. Il leur dit : C'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et étant venu dans son pays, il les instruisait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient dans l'admiration et disaient « D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas là le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et ils prenaient de lui un sujet de scandale. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. En ce temps-là, Hérode le tétraque apprit ce qui se publiait de Jésus, et il dit à ses serviteurs « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et c'est pour cela que des miracles se font par lui. » Car Hérode s'était saisi de Jean et l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme. » Et voulant le faire mourir, il craignit le peuple qui regardait Jean comme un prophète. Or, le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Aussi, lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait. Avertie d'abord par sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il ordonna qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison, et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Alors ses disciples vinrent, prirent son corps et l'ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Jésus, l'ayant appris, partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et les foules, l'ayant appris, le suivirent à pied des villes voisines. En sortant de la barque, il vit une foule nombreuse, et il en eut compassion, et il guérit leurs malades. Le soir étant venu, ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoyez les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur dit « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui répondirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il leur dit « Apportez-les-moi ici. » Et, après avoir ordonné à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit. Puis rompant les pains, il les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent aux foules, et tous mangèrent, et furent rassasiés, et on emporta les restes, 12 corbeilles pleines de morceaux. Or le nombre de ceux qui mangèrent fut de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt Jésus pressa ses disciples de monter dans la barque et de le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et lorsqu'il eut renvoyé la foule, il monta seul sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Cependant, la barque était battue par les flots au milieu de la mer, car le vent était contraire. Mais à la 4e veille de la nuit, Jésus vint à eux, marchant sur la mer. Et le voyant marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris d'effroi. Aussitôt, Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est vous, ordonnez que j'aille à vous sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens. » Et Pierre, descendant de la barque, marchait sur l'eau pour aller à Jésus. Mais voyant la violence du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauvez-moi !» Et aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et lorsqu'ils furent montés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Vous êtes vraiment le Fils de Dieu !» Lorsqu'ils eurent traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésare. Et les hommes de ce lieu, l'ayant reconnu, envoyèrent dans toute cette région et lui présentèrent tous ceux qui étaient malades. Et ils le priaient de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchèrent furent guéris. Alors des scribes et des pharisiens de Jérusalem s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain ?» Mais Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi violez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque aura dit à son père ou à sa mère, tout don que je fais à Dieu vous profitera, ne sera pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils me rendent un culte inutile, enseignant des doctrines et des ordonnances humaines. » Puis, ayant appelé à lui les foules, il leur dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Alors les disciples s'approchant lui dirent « Savez-vous que les pharisiens, en entendant cette parole, se sont scandalisés ?» Mais il répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit « Expliquez-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi êtes-vous sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans un lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche part du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. » Étant parti de là, Jésus se retira du côté de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, venue de ses contrées, s'écria en lui disant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est affreusement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, s'approchant de lui, le priaient en disant « Renvoyez-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint, et l'adora en disant « Seigneur, secourez-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens ». Mais elle dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Alors Jésus lui répondit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux ». Et sa fille fut guérie à l'heure même. Étant parti de là, Jésus vint près de la mer de Galilée, et montant sur une montagne, il s'y assit. Alors des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des muets, des aveugles, des boiteux, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. Et elles les jetèrent à ses pieds, et il les guérit. De sorte que les foules étaient dans l'admiration, voyant les muets parler, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Or Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « J'ai pitié de cette foule, car il y a déjà 3 jours qu'ils restent avec moi et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment donc trouverons-nous dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Et Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain ?» Ils lui dirent « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et prenant les 7 pains et les poissons, et rendant grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles, pleines des morceaux qui étaient restés. Or ceux qui mangèrent étaient au nombre de 4 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Ayant ensuite renvoyé la foule, il monta sur une barque et vint sur les confins de Magédan. Alors les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de lui pour le tenter, et ils le prièrent de leur faire voir un signe qui vint du ciel. Mais il leur répondit, « Le soir venu, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rougeâtre. Vous savez donc discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas connaître les signes des temps. » Cette génération mauvaise et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Or ses disciples, étant passés sur l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Il leur dit, « Voyez, et gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Mais ils pensaient et se disaient entre eux, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, le sachant, dit « Homme de peu de foi, pourquoi pensez-vous en vous-même que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués à 5 000 hommes et du nombre des paniers que vous avez emportés, ni des 7 pains distribués à 4 000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est point au sujet du pain que je vous ai dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ?» Alors, ils comprirent qu'il ne leur avait pas dit de garder du levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe, et il interrogeait ses disciples en disant, « Que disent les hommes touchant le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, « Les uns qu'il est Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou quelqu'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, Tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié aussi dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » En même temps, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus, le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des scribes et des princes, des prêtres, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, commença à le reprendre en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera point. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu m'es un sujet de scandale, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il porte sa croix, et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous le dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant en son règne. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit, et voici qu'une voix sortit de la nuée disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Les disciples l'entendant tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Levez-vous, et ne craignez point !» Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Ses disciples l'interrogèrent alors en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ?» Mais Jésus leur répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Lorsqu'il fut venu vers la foule, un homme s'approcha de lui et se mit à genoux devant lui. Et lui dit, « Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit, « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous souffrirai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le menaça, et le démon sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Jésus leur dit « À cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Pendant qu'ils se trouvaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent vivement attristés. Lorsqu'ils furent venus à Capharnaüm, ceux qui recevaient les 10 drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas le tribut ?» Il dit, « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint en disant, « Que t'en semble, Simon ? De qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut ou le cens ? De leurs fils ou des étrangers ?» Pierre répondit, « Des étrangers. » Jésus lui dit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions point, va à la mer et jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui montera, et en lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » À cet instant, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une de ces meules qu'un âne tourne et qu'on le plongeât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main où ton pied te scandalise, coupe-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble. Si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée par l'autorité de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'Église, et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. » Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, quelque chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été comparé à un roi qui voulut faire rendre leur compte à ses serviteurs. Et lorsqu'il eut commencé à faire rendre compte, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi les rendre, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait pour acquitter la dette. Ce serviteur, se jetant à ses pieds, le priait en disant « Ayez patience envers moi, et je vous rendrai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Mais ce serviteur, étant sorti, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, et le saisissant, il l'étouffait en disant « Rends-moi ce que tu me dois !» Et son compagnon, se jetant à ses pieds, le priait en disant « Aie patience envers moi et je te rendrai tout !» Mais il ne voulut pas. Et il s'en alla et le fit mettre en prison, jusqu'à ce qu'il lui rendît ce qu'il devait. Les autres serviteurs, ayant vu ce qui était arrivé, en furent vivement attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors son maître le fit appeler et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'en avais prié. Ne fallait-il donc pas avoir pitié toi aussi de ton compagnon, comme j'avais eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et vint aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et il fit des guérisons. Alors les pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter, et ils lui dirent « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Il leur répondit « N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme dès le commencement créa un homme et une femme, et qu'il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Ils lui dirent « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme un acte de divorce et de la renvoyer ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère, et que celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits tels par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. On lui présenta alors de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Et les disciples les repoussaient. Mais Jésus leur dit, laissez ces petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Dieu seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus dit, « Tu ne commettras pas d'homicide, tu ne seras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, Que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsque le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Et ils disaient, « Qui donc pourra être sauvé ?» Jésus les regardant leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, « Nous, voici que nous avons tout quitté. » Et que nous vous avons suivis, qu'y aura-t-il donc pour nous ? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi, lorsque, au temps de la régénération, le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa gloire, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de mon nom, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. » Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. En sortant, vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place publique, et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne. » Lorsque le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en commençant par les derniers et en finissant par les premiers. » Ceux qui étaient venus vers la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun un denier. Les premiers, venant ensuite, crurent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et vous les avez traités comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Rends ce qui t'appartient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux, ou ton œil est-il méchant parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Or Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux gentils pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et il ressuscitera le 3e jour. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses 2 fils, et se prosterna en lui demandant quelque chose. Il lui dit, « Que veux-tu ? » ?»« Ordonnez, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soit assis l'un à votre droite et l'autre à votre gauche dans votre royaume. » Mais Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Oui, vous boirez mon calice. Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous le donner. Ce sera pour ceux auxquels mon Père l'a préparé. » Les 10, ayant entendu cela, s'indignèrent contre les 2 frères. Mais Jésus les appela à lui et leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands exercent la puissance sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. mais que celui qui voudra devenir le plus grand parmi vous soit votre serviteur, et que celui qui voudra être le premier parmi vous soit votre esclave, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon d'un grand nombre. » Lorsqu'il sortait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que deux aveugles, assis au bord du chemin, apprirent que Jésus passait, et ils crièrent en disant « Seigneur, Fils de David, ayez pitié de nous. » Et la foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils criaient plus fort en disant « Seigneur, Fils de David, ayez pitié de nous. » Jésus s'arrêta, et il les appela, et leur dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Ayant pitié d'eux, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse liée et son ânon avec elle. Déliez-la et amenez-la moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les laissera emmener. » Or, tout cela s'est fait afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et sur l'ânon de celle qui porte le joug. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Or une foule nombreuse étendit leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin. Et les foules qui précédaient Jésus et celles qui le suivaient criaient « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et lorsqu'il fut entré dans Jérusalem, toute la ville fut émue et disait « Quel est celui-ci ? » Et le peuple disait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les princes des prêtres et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple et qui disaient « Hosanna, au fils de David, s'indignèrent. » Et ils lui dirent « Entendez-vous ce qu'ils disent ?» Jésus leur dit « Oui. N'avez-vous jamais lu cette parole ? De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous avez tiré une louange parfaite. » Et les ayant laissés, ils s'en allèrent de la ville à Béthanie où il demeura. Le matin, en revenant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Qu'à jamais il ne naisse de toi aucun fruit. » Et aussitôt le figuier se dessécha. Voyant cela, les disciples s'étonnèrent et dirent, « Comment s'est-il desséché en un instant ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Et quoi que ce soit que vous demandiez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les princes des prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pendant qu'il enseignait et lui dirent, « Par quelle autorité faites-vous ces choses? Et qui vous a donné ce pouvoir ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai moi aussi une question. Si vous m'y répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il, du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnaient entre eux et disaient, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc N'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons « Des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous regardaient Jean comme un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons. » Et il leur répondit lui aussi « Je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble ? Un homme avait deux fils, et s'approchant du premier, il lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler à ma vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Mais ensuite, touché de repentir, il y alla. S'approchant ensuite de l'autre, il lui dit la même chose. Celui-ci répondit « J'y vais, Seigneur. » Et il n'y alla point. « Lequel des deux a fait la volonté de son père ?» Ils lui dirent « Le premier. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas repentis ensuite pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit pour un pays lointain. Or, lorsque le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recueillir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un autre. Il leur envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils les traitèrent de même. Enfin, il leur envoya son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Et s'étant saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ses vignerons ? Ils lui dirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui en rendront les fruits en leur temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient ? Celle-là même est devenue la tête de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et qu'il sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Lorsque les princes des prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils comprirent que Jésus parlait d'eux. Et cherchant à se saisir de lui, ils craignirent les foules parce qu'elles le regardaient comme un prophète. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole, disant « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit faire les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes animaux engraissés sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils ne s'en inquiétèrent point, et s'en allèrent l'un à sa ferme et l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs, et les tuèrent après les avoir accablés d'outrage. Lorsque le roi l'apprit, il fut irrité, et ayant envoyé ses armées, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs, s'en allant par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir la robe nuptiale ?» Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens, s'étant retirés, tinrent conseil sur le moyen de le surprendre dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent leurs disciples avec les Hérodiens qui lui dirent, « Maître, nous savons que vous êtes véridique et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité sans vous inquiéter de personne, car vous ne regardez pas la condition des hommes. Dites-nous ce qu'il vous en semble. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Mais Jésus, connaissant leur malice, dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et Jésus leur dit, « De qui est cette image et cette inscription ?» Ils lui dirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et le laissant, ils s'en allèrent. Ce même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier, ayant épousé une femme, mourut, et n'ayant pas eu de postérité, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second et du troisième jusqu'au 7e. Enfin, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, puisque tous l'ont eue ? » Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, ne comprenant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et les foules, entendant cela, étaient dans l'admiration de sa doctrine. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit les Sadducéens au silence, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le tenter. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. » Mais le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés la loi et les prophètes. » Les pharisiens étant rassemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que vous semble du Christ ? De qui est-il fils ? » Ils lui répondirent, « De David. » Il leur dit, « Comment donc David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur, en disant, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait rien lui répondre. Et depuis ce jour, nul n'osa plus lui poser des questions. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et insupportables, et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est pourquoi ils portent de larges phylactères et de longues franges. Ils aiment les premières places dans les festins et les premières chaires dans les synagogues et à être salué dans les places publiques et à être appelé rabbi par les hommes. Mais vous, ne vous faites point appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père qui est dans les cieux. Et qu'on ne vous appelle point maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera humilié, et quiconque s'humiliera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui désirent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves en faisant de longues prières. C'est pourquoi vous recevrez un jugement plus rigoureux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après qu'il l'est devenu, vous faites de lui un fils de la Géhenne deux fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il doit. » Insensés et aveugles, car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par le don qui est sur l'autel, il doit. Aveugles, car lequel est le plus grand, le don ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et quiconque jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et qui avez abandonné ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ceci, et ne pas omettre cela. Guides aveugles qui filtraient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, vous êtes plein de rapine et d'impureté. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors devienne pur aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux aux hommes, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes et qui ornez les monuments des justes et qui dites « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Par là, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc aussi la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la Géhenne? C'est pourquoi, voici que je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous tuerez et crucifierez les uns, et vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, toutes ces choses retomberont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus, étant sorti du temple, s'en allait. Alors ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui dirent, « Dites-nous quand ces choses arriveront, et de quels signes il y aura de votre avènement et de la consommation du siècle. » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom, disant, « Je suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car on verra se soulever peuple contre peuple, et royaume contre royaume, et il y aura des pestes et des famines, et des tremblements de terre en divers lieux. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup seront scandalisés, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et de nombreux faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de monde. Et parce que l'iniquité abondera, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour reprendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez pas. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette et une voix éclatante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Apprenez une comparaison prise du figuier. Quand ses branches sont déjà tendres et que ses feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même que dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'ils ne surent rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait certainement et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne savez pas. Quel est, pensez-vous, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur distribuer leur nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur, si son maître à son arrivée le trouve agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur est méchant et dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le séparera et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l'époux et de l'épouse. Or 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les 5 folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. L'époux, tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux qui vient, allez au-devant de lui. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages leur répondirent, « De peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Enfin, les autres vierges viennent aussi en disant « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous !» Mais il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un long voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, et à un autre 2, et à un autre 1 seul, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla, creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et présenta 5 autres talents en disant « Seigneur, vous m'avez remis 5 talents, voici que j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, vous m'avez remis 2 talents, voici que j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur, qui moissonnait où vous n'avez pas semé, et qui ramassait où vous n'avez pas répandu. C'est pourquoi j'ai eu peur, et j'ai caché votre talent dans la terre. Le voici, vous avez ce qui est à vous. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré avec usure ce qui est à moi. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il semble avoir. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Or, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa majesté avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'établissement du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais sans asile, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim et que nous vous avons donné à manger, avoir soif et que nous vous avons donné à boire? Quand est-ce que nous vous avons vu sans asile et que nous vous avons recueilli ou nu et que nous vous avons vêtu? Ou quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus à vous ?» Et le roi leur dira, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il dira ensuite à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais sans asile et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils lui répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou sans asile, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne vous avons pas assisté ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au supplice éternel, mais les justes, à la vie éternelle. Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque se fera dans 2 jours, et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les princes des prêtres et les anciens du peuple s'assemblèrent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe, et ils tinrent conseil pour se saisir de Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Or, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et elle le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? Car on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Mais Jésus, sachant ce qu'il disait, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne œuvre à mon égard. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait en vue de ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout sera prêché cet évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Alors un des 12, appelé Judas Iscariote, alla trouver les princes des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils convinrent de lui donner 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour des azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Où voulez-vous que nous vous préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Jésus leur répondit « Allez dans la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître dit « Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi, avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec ses 12 disciples. Et pendant qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Vivement attristés, ils commencèrent chacun à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit « Celui qui met avec moi la main au plat est celui qui me trahira. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il aurait mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. » Judas, celui qui le trahit, prenant la parole, lui dit « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Or, pendant qu'il soupait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et prenant le calice, il rendit grâce et le leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Or, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir dit l'hymne, ils allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet, car il est écrit « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand même, tous seraient scandalisés à votre sujet. Moi, je ne serai jamais scandalisé. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point. » Et tous les disciples parlèrent de même. Alors Jésus vint, avec eux, dans un domaine appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être attristé et affligé. Alors il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'étant avancé un peu plus loin, il se prosterna le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Cependant, qu'il en soit non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Et il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore une seconde fois et il pria en disant, « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Il revint de nouveau, et il les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les quittant, il s'en alla encore, et il pria pour la 3e fois, en disant les mêmes paroles. Puis il vint à ses disciples, et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici que l'heure approche, et le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui doit me trahir approche. » Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les princes des prêtres et par les anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur avait donné un signe en disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Je vous salue, maître. » Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, pourquoi es-tu venu ? » Alors ils s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliront les Écritures qui annoncent qu'il en doit être ainsi ?» En même temps, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un voleur, armé d'épées et de bâtons, pour vous emparer de moi. Tous les jours j'étais assis au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela s'est fait afin que ce que les prophètes ont écrit fût accompli. » Alors tous les disciples l'abandonnant s'enfuirent. Mais ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent chez Caïphe, le grand prêtre, où les scribes et les anciens s'étaient rassemblés. Or Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du grand prêtre, et étant entré, il s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Cependant, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point, quoique beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint deux faux témoins qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se levant lui dit « Tu ne réponds rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Et le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Car je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore de témoins, voici que vous venez d'entendre le blasphème. Que vous en semble ? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, et ils le frappèrent à coups de poing. D'autres lui donnèrent des soufflets, en disant, « Prophétise-nous, Christ, qui est-ce qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui en disant, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. » Mais il le nia devant tous, en disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Et comme il franchissait la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais point cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations, et a juré qu'il ne connaissait pas cet homme. Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Le matin étant venu, tous les princes des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, poussé par le repentir, rapporta les 30 pièces d'argent aux princes des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Mais ils dirent « Que nous importe, c'est ton affaire ». Ayant jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Mais les princes des prêtres, ayant pris les pièces d'argent, dirent « Il ne nous est pas permis de les mettre dans le trésor parce que c'est le prix du sang. » Et ayant tenu conseil, ils en achetèrent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour « Aceldama », c'est-à-dire « champ du sang ». Alors s'accomplit ce qui avait été prédit par le prophète Jérémie. Ils ont reçu les 30 pièces d'argent pris de celui qui a été évalué, qu'on a évalué de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ d'un potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Or Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Et comme il était accusé par les princes des prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas quel grave témoignage il porte contre toi ?» Mais il ne lui répondit pas un seul mot, de sorte que le gouverneur en fut très étonné. Or le jour de la fête, le gouverneur avait coutume de délivrer un prisonnier, celui que le peuple demandait. Il avait alors un prisonnier insigne nommé Barabbas. Comme ils étaient donc assemblés, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou Jésus, qui est appelé Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis sur son tribunal, sa femme lui envoya dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Mais les princes des prêtres et les anciens persuadèrent au peuple de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort en disant, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est à vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors il leur délivra Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte, et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'une chlamyde écarlate. Puis, tressant une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite, et fléchissant le genou devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et lui frappaient la tête. Lorsqu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent de porter la croix de Jésus. Et ils vinrent au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du calvaire. Et ils lui donnèrent du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après qu'ils l'eurent crucifié, ils partagèrent entre eux ses vêtements, les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été prédit par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma tunique au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. Ils mirent au-dessus de sa tête une inscription indiquant le sujet de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » En même temps, on crucifia avec lui deux voleurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et les passant le blasphémaient, branlant la tête et disant, « Allons, toi qui détruis le temple de Dieu et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les princes des prêtres se moquaient aussi de lui avec les scribes et les anciens et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les voleurs qui avaient été crucifiés avec lui, lui adressèrent les mêmes outrages. Or, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani ?» C'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Quelqu'un de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disait « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux, accourant, prit une éponge et la remplit de vinaigre, et l'ayant attaché à un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le délivrer. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les pierres se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent, et sortant de leur tombeau, après sa résurrection, ils vinrent dans la ville sainte, et apparurent à beaucoup de personnes. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait là aussi à quelque distance des femmes nombreuses qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu'on rendît le corps, et ayant pris le corps, Joseph l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans son sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, lorsqu'il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonnez donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober son corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts, dernière imposture qui serait pire que la première. » Pilate leur dit « Vous avez des gardes, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent donc, et pour s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre et y mirent des gardes. Le sabbat passé, lorsque le premier jour de la semaine commençait à luire, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, il renversa la pierre et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair, et son vêtement comme la neige. À cause de lui, les gardes furent atterrés d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange, prenant la parole, dit aux femmes « Ne craignez point, vous, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai prédit. » Elles sortirent aussitôt du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint au-devant d'elles en disant « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point. Allez, dites à mes frères de partir pour la Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Lorsqu'elles furent parties, quelques-uns des gardes vinrent à la ville et annoncèrent au prince des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, s'étant assemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant « Dites, ses disciples sont venus pendant la nuit et ils l'ont enlevé tandis que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous mettrons à couvert. » Les soldats, ayant reçu l'argent, agirent d'après ses instructions. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Or, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et le voyant, ils l'adorèrent. Cependant, quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus, s'approchant, leur parla ainsi, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. »